Second mémoire de l'instruction commune pour les enfants. Je vais maintenant tracer le plan d'une instruction commune, telle que je la conçois, et je développerai les principes qui y servent de base à mesure qu'ils me deviendront nécessaires pour en motiver les diverses dispositions. Première partie, premier degré d'instruction commune. Distribution des écoles. Le premier degré d'instruction commune a pour objet de mettre la généralité des habitants d'un pays en état de connaître leurs droits et leurs devoirs afin de pouvoir exercer les uns et remplir les autres sans être obligé de recourir à une raison étrangère. Il faut de plus que ce premier degré suffise pour les rendre capables des fonctions publiques auxquelles il est utile que tous les citoyens puissent être appelés et qui doivent être exercées dans les premières divisions territoriales. En effet, le petit nombre de leurs habitants ne permettrait pas d'y choisir, ou même d'y trouver, des sujets à qui ont pu confier ces fonctions sans péril si l'instruction qu'elles exigent ne s'étend pas sur tous les citoyens. Dans la Constitution française, les fonctions de jurés, d'électeurs, de membres de conseils généraux doivent être rangées dans la première classe et celles d'officier municipal, de juge de paix dans la seconde. Il faut donc établir dans chaque village une école publique dirigée par un maître. Dans les villes ou dans les villages d'une population nombreuse, on aurait plusieurs maîtres dont le nombre se réglerait sur celui des élèves de l'un et de l'autre sexe. On ne pourrait passer 200 enfants pour chaque maître, ce qui répond à une population d'environ 2400 personnes. Durée du cours d'instruction. Je propose que cette instruction dure 4 ans. En effet, on peut prendre 9 ans pour le terme moyen où elle commencerait. Elle conduirait les enfants à 13, âge avant lequel, n'étant pas encore d'une grande utilité à leur famille, les plus pauvres peuvent, sans se gêner, leur faire consacrer par jour quelques heures à l'étude. Il n'en résulterait même aucun embarras pour ceux qu'on voudrait mettre en apprentissage. Ils ne commencent guère sérieusement avant cette époque. D'ailleurs, on disposerait l'instruction de manière qu'il fût compatible avec l'assiduité aux écoles et elle ne peut que rendre les apprentis plus intelligents et plus appliqués. Les deux autres degrés d'instruction durant aussi chacun le même nombre d'années conduiraient naturellement les enfants à l'âge de 21 ans, terme marqué en France pour l'inscription civique et qui, vu l'état actuel des Lumières, deviendra bientôt, suivant toute apparence, l'époque commune de la majorité dans tous les pays. Distribution des élèves. S'il n'y avait qu'une école dans le même lieu, les élèves seraient partagés en 4 classes et il suffirait que chacun reçût une leçon par jour. La moitié de la leçon serait donnée par le maître et l'autre moitié par un élève des premières classes chargé de cette fonction. De très faibles appointements suffiraient pour ce répétiteur qu'on propose de prendre parmi les élèves de la classe la plus avancée et non parmi ceux qui ont déjà terminé cette partie de leurs études. En effet, ceux-ci, dont on ne pourrait exiger beaucoup de lumière, formeraient bientôt un second ordre de maître qui aurait la prétention de succéder à celui qu'il supplée et ils y parviendraient à force de complaisance et d'intrigue. Ainsi, deux salles voisines, sans se communiquer, suffiraient à chaque école. Et le maître, passant facilement de l'une à l'autre, pourrait, à l'aide de l'élève chargé de le seconder, maintenir l'ordre dans toutes les deux et n'abandonner à son second que des soins qui ne seraient pas au-dessus de sa portée. Dans les endroits où il y aurait deux maîtres, chacun d'eux pourrait enseigner deux classes dont il suivrait les élèves depuis la première jusqu'à la quatrième année, en sorte que l'un d'eux aurait d'abord, par exemple, ceux de la première année et de la seconde, et l'autre ceux de la troisième et de la quatrième. L'année suivante, le premier, conservant ses élèves, aurait ceux de la seconde et de la troisième année, et le second, ceux de la quatrième et de la première, et ainsi de suite. Alors, en faisant deux leçons par jour, une aux écoliers de chaque année, il n'aurait pas besoin du secours d'un élève. Il y a de l'avantage à suivre cette distribution. Premièrement, les élèves ne changent point de maître, ce qui est un grand bien pour leur instruction comme pour leur caractère. Deuxièmement, il faut que chaque maître soit en état d'enseigner la totalité du cours, ce qui empêche de confier les premiers éléments à des hommes d'une ignorance trop absolue. Deuxième partie, étude de la première année. Petit 1, lecture et écriture. Dans la première année, on enseignerait à lire et à écrire. En prenant un caractère d'impression qui représenterait une écriture facile, on pourrait enseigner à la fois l'une et l'autre de ces connaissances, ce qui épargnerait aux enfants du temps et de l'ennui. L'action d'imiter les lettres à mesure qu'on leur apprendrait à les connaître les amuserait et ils en retiendraient les formes plus aisément. D'ailleurs, dans la méthode actuelle, on est obligé d'apprendre séparément à lire l'impression et l'écriture. Petit 2. Connaissances élémentaires contenues dans le livre de lecture. Explication des mots donnés par le maître. Au lieu de remplir les livres dans lesquels on apprend à lire de choses absolument inintelligibles pour les enfants ou même écrites dans une langue étrangère, comme la coutume en a été introduite dans les pays de la communion romaine par la superstition, toujours féconde en moyen d'abrutir les esprits, on emploierait à cet usage des livres dans lesquels on renfermerait une instruction appropriée au premier moment de l'éducation. Il est impossible de s'entendre en lisant les phrases, même les plus simples, si l'on n'est pas en état d'en pouvoir lire couramment les mots isolés. Autrement, l'attention est absorbée par celles dont on a besoin pour reconnaître les lettres ou les syllabes. La première partie de ce livre doit donc contenir une suite de mots qui ne forment pas un sens suivi. On choisirait ce qu'un enfant peut entendre et dont il est inutile de lui donner une intelligence plus précise. À la suite de ces mots, on placerait un très petit nombre de phrases extrêmement simples dont il pourrait également comprendre le sens et qui exprimeraient quelques-uns des jugements qu'il a pu porter ou quelques-unes des observations qu'il a pu faire sur les objets qui se présentent habituellement à lui, de manière qu'il y reconnût l'expression de ses propres idées. L'explication de ces mots, donnée à mesure que les enfants apprendraient à les lire et à les écrire, deviendrait pour eux un exercice amusant, une espèce de jeu dans lequel se développerait leur émulation naissante, au sein d'une gaieté qui défendrait au triste orgueil d'approcher de ces âmes encore pures et naïves. Histoire destinée à réveiller les premiers sentiments moraux. Une seconde partie renfermerait de courtes histoires morales, propres à fixer leur attention sur les premiers sentiments que, suivant l'ordre de la nature, ils doivent éprouver. On aurait soin d'en écarter toute maxime, toute réflexion, parce qu'il ne s'agit point encore de leur donner des principes de conduite ou de leur enseigner des vérités, mais de les disposer à réfléchir sur leurs sentiments et de les préparer aux idées morales qui doivent naître un jour de ces réflexions. Les premiers sentiments auxquels il faut exercer l'âme des enfants et sur lesquels il est utile de l'arrêter sont la pitié pour l'homme et pour les animaux, une affection habituelle pour ceux qui nous ont fait du bien et dont les actions nous en montrent le désir. Affection qui produit la tendresse filiale et l'amitié. Ces sentiments sont de tous les âges. Ils sont fondés sur des motifs simples et voisins de nos sensations immédiates de plaisir ou de peine. Ils existent dans notre âme aussitôt que nous pouvons avoir l'idée distincte d'un individu et nous n'avons besoin que d'en être avertis pour apprendre à les apercevoir, à les reconnaître, à les distinguer. La pitié pour les animaux a le même principe que la pitié pour les hommes. L'une et l'autre naissent de cette douleur irréfléchie et presque organique, produite en nous par la vue et par le souvenir des souffrances d'un autre être sensible. Si on habitue un enfant à voir souffrir des animaux avec indifférence ou même avec plaisir, on affaiblit, on détruit en lui, même à l'égard des hommes, le germe de la sensibilité naturelle, premier principe actif de toute moralité comme de toute vertu, et sans lequel elle n'est plus qu'un calcul d'intérêt, qu'une froide combinaison de la raison. Gardons-nous donc d'étouffer ce sentiment dans sa naissance. Conservons-le comme une plante faible encore, qu'un instant peut flétrir et dessécher pour jamais. N'oublions pas surtout que, dans l'homme occupé de travaux grossiers qui émoussent sa sensibilité et le ramènent au sentiment personnel, l'habitude de la dureté produit cette disposition à la férocité qui est le plus grand ennemi des vertus et de la liberté du peuple, la seule excuse des tyrans, le seul prétexte spécieux de toutes les lois inégales. Rendons le peuple sensible et doux pour qu'on ne s'effraie plus de voir la puissance résider entre ses mains et pour qu'on ne se repente pas de l'avoir rétabli dans tous ses droits, Donnons-lui cette humanité qui peut seule lui apprendre à les exercer avec une généreuse modération. L'homme compatissant n'a pas besoin d'être éclairé pour être bon, et la plus simple raison lui suffit pour être vertueux. Dans l'homme insensible, au contraire, une faible bonté suppose de grandes lumières, et il ne peut devenir vertueux sans l'appui d'une philosophie profonde ou de cet enthousiasme qu'inspirent certains préjugés, enthousiasme toujours dangereux, parce qu'il érige en vertu tout crime utile aux intérêts des fourbes dont ces préjugés ont fondé la puissance. Description d'objets physiques. On placerait à la suite de ces histoires morales, ou bien l'on entremêlerait avec elles, de courtes descriptions d'animaux et de végétaux, choisis dans le nombre de ceux que les élèves peuvent observer, et sur lesquels on leur montrerait la justesse des descriptions qu'on leur ferait lire. Ils y trouveraient le plaisir de se rappeler des choses qu'ils ont vues sans les remarquer. Ils sentiraient déjà cette utilité qu'on les livre de nous faire retrouver des idées acquises qui nous échapperaient sans leur secours. Ils apprendraient à mieux voir les objets que le hasard leur présente. Enfin, ils commenceraient à prendre l'habitude des notions précises, à savoir les distinguer des idées qui se forment au hasard. Et cette première leçon de logique, reçue longtemps avant qu'ils puissent en comprendre le nom, ne serait pas la moins utile. Exposition du système de numération. Ce premier livre serait terminé par l'exposition du système de la numération décimale, c'est-à-dire qu'on y apprendrait à connaître les signes qui désignent les nombres et la méthode de les représenter tous avec ces 10 signes, d'écrire en chiffres un nombre exprimé par des mots et d'exprimer par des mots un nombre écrit en chiffres. Nécessité d'un livre pour les maîtres. Il y aurait en même temps un livre correspondant composé pour l'instruction du maître. Les livres de cette espèce doivent accompagner ceux qui sont destinés aux enfants tant que l'enseignement se borne à des connaissances élémentaires. Ils doivent renfermer, premièrement, des remarques sur la méthode d'enseigner. Deuxièmement, les éclaircissements nécessaires pour que les maîtres soient en état de répondre aux difficultés que les enfants peuvent proposer, aux questions qu'ils peuvent faire. Troisièmement, des définitions, ou plutôt des analyses, de quelques mots employés dans les livres mis entre les mains des enfants et dont il est important de leur donner des idées précises. En effet, ces définitions, ces développements, allongeraient les livres des enfants et rendraient la lecture difficile et ennuyeuse. Si d'ailleurs on les insérait dans ces livres, on serait obligé de supprimer toute réflexion sur les motifs qui ont fait préférer une définition à une autre et chercher tantôt à exciter, tantôt à éteindre la curiosité. L'ouvrage qui, destiné au maître, accompagnerait le premier livre de lecture devrait surtout contenir une explication des mots isolés qui font partie de ce livre. Il ne peut y avoir de bonne méthode d'enseigner les éléments sans un livre mis à la portée des enfants et auquel ils puissent toujours recourir. Mais il ne peut y en avoir non plus sans un autre livre qui apprenne au maître les moyens de suppléer à ce que le premier ne peut contenir. Ces livres ne sont pas moins nécessaires aux parents pour suivre l'éducation de leurs enfants dans le temps où il faut qu'ils travaillent hors des yeux du maître et où il est nécessaire de combiner l'instruction d'après leurs dispositions particulières. Ces mêmes livres, enfin, auraient une double utilité relativement au maître. Ils suppléeraient à l'esprit philosophique qui peut manquer à quelques-uns, ils mettraient plus d'égalité entre l'enseignement d'une école et celui d'une autre. Enfin, un maître qui ne se bornerait pas à la simple explication d'un ouvrage et qui paraîtrait aux enfants savoir quelque chose au-delà du livre qu'ils étudient, leur inspirerait plus de confiance. Or, cette confiance est nécessaire au succès de toute éducation et les enfants ont besoin d'estimer la science d'un maître pour profiter de ses leçons. Comment on doit entendre le précepte de n'employer avec les enfants que des mots qu'ils puissent comprendre ? On sent que les livres destinés à donner aux enfants la première habitude de lire ne doivent enfermer que des phrases d'une construction simple et facile à saisir. L'habitude de ces formes de phrases leur en fera découvrir la syntaxe par une sorte de routine. Il faut aussi qu'ils puissent en entendre tous les mots, au moins à l'aide d'une simple explication. Mais cette dernière condition exige ici quelques développements. Il n'y a peut-être pas un seul mot de la langue qu'un enfant comprenne si on veut entendre par là qu'il y attachera le même sens qu'un homme dont l'expérience a étendu les idées et leur a donné de la précision et de la justesse. Sans entrer ici dans une discussion métaphysique sur la différence qui peut exister entre les idées que différents hommes attachent à un mot, même quand, paraissant convenir entre eux du sens qu'ils présentent, ils adoptent également des propositions où ce mot est employé, je me bornerai à observer que les mots expriment évidemment des idées différentes suivant les divers degrés de science que les hommes ont acquis. Par exemple, le mot « or » ne réveille pas la même idée pour un homme ignorant et pour un homme instruit, pour celui-ci et pour un physicien, ou même pour un physicien et pour un chimiste. Il renferme pour ce dernier un beaucoup plus grand nombre d'idées et peut-être d'autres idées. Le mot « bélier », le mot « avoine » ne réveille pas les mêmes idées dans la tête d'un homme de la campagne et dans celle d'un naturaliste. Non seulement le nombre de ces idées est plus grand pour ce dernier, mais les caractères par lesquels chacun d'eux distingue le bélier d'un autre animal, l'avoine d'une autre plante, et qu'on peut appeler la définition du mot ou de l'objet, ne sont pas les mêmes. Il ne peut y avoir d'exception que pour les mots qui expriment des idées abstraites très simples, et, dans un autre sens, pour ceux qui sont susceptibles de véritables définitions, tels que les mots des sciences mathématiques. Par exemple, si on appelle « cercle » la courbe dont tous les points sont également éloignés d'un point déterminé qu'on nomme « centre », cette définition est la même pour l'enfant qui ne connaît que cette propriété du cercle et pour le géomètre, à qui toutes celles qui ont été découvertes peuvent être présentes. Toutes, en effet, dépendent de cette propriété première. Cependant, on ne peut pas dire, dans un sens rigoureux, que l'idée réveillée par le mot « cercle » soit essentiellement la même. Car l'esprit de celui qui le prononce peut s'arrêter sur sa simple définition ou envisager en même temps d'autres propriétés. Il peut même s'attacher exclusivement à une de celles-ci. De plus, comme il serait possible de donner une autre définition du cercle, c'est-à-dire de le désigner par une autre propriété de laquelle toutes les autres dériveraient également, on ne pourrait pas dire que deux hommes qui auraient reçu ces définitions différentes eussent la même idée en prononçant le mot « cercle ». Ils s'entendraient cependant comme ceux qui, prononçant les mots « d'or », « de bélier », « d'avoine » et d'autres substances physiques, s'entendraient aussi, quoique leurs idées différassent entre elles. Quelle en est donc la raison? C'est que les propositions formées de ces idées différentes et exprimées par les mêmes mots sont également vraies. Par exemple, une même proposition sur le cercle est vraie pour celui qui le définit la courbe dont tous les points sont également éloignés du centre, et pour celui qui l'aurait défini une courbe telle que les produits de deux lignes terminées par L et qui se coupent en son intérieur, soient toujours égaux entre eux. Et la même chose aura lieu pour toutes les propositions vraies qu'on peut former sur le cercle. Celui qui désigne par le mot « or » une substance malléable, ductible, de couleur jaune et très pesante, s'entendra avec un chimiste dans tout ce qu'ils diront de l'or, quoique ce chimiste ait ajouté à cette idée d'autres propriétés, pourvu que les propositions dans lesquelles ils emploient le mot « or » soit également vrai pour ces deux idées différentes. Mais il cesserait de s'entendre dans toutes les propositions qui seraient vraies pour une substance ayant toutes les propriétés que le premier connaît dans ce qu'il appelle or et qui ne le serait pas pour une substance ayant toutes celles que le chimiste reconnaît dans l'or. Telle est la différence entre les mots qui expriment des idées mathématiques et ceux qui désignent des objets réels. Si maintenant on applique les mêmes observations aux mots du langage ordinaire, à ceux qui expriment des idées morales et dont le sens n'est déterminé ni par une analyse rigoureuse, ni par les qualités naturelles d'un objet réel, on verra comment, avec des idées différentes, on peut s'entendre encore, mais pourquoi il est plus facile de cesser de le pouvoir. Ces principes exposés, on aperçoit d'abord combien il serait chimérique d'exiger que les enfants ne trouvassent dans leurs livres que des mots dont ils usent des idées bien exactement identiques avec celles d'un philosophe habitué à les analyser. Par exemple, comme la plupart même des hommes faits, ils n'auront qu'une idée très vague et très peu précise des mots grammaticaux, et même des relations grammaticales que ces mots expriment. Mais il n'y a aucun inconvénient à ce qu'un enfant lise « j'ai fait » et « je fis » sans savoir que le présent du verbe « avoir » mis avant le participe du verbe « faire » exprime un prétérite de ce verbe, pendant qu'un autre se forme par un changement particulier dans la terminaison du verbe même. Il en résultera seulement que pour lui, la langue française n'aura aucun avantage sur celle où il n'existerait aucun moyen de distinguer ni ces deux prétérites, ni la nuance d'idées qui en caractérise la différence. On trouvera de même que si on fait connaître à un enfant par une description, l'animal, la plante, la substance désignée par un nom, si on la lui montre, si on lui en fait observer quelques-unes des propriétés, il est inutile que la description de cet objet s'étende à toutes les propriétés qui le distinguent des autres objets connus. Pour que l'enfant emploie ce mot avec justesse, il suffit qu'il ait retenu quelques-unes des propriétés qui distinguent cet objet de tout ce qu'il connaît lui-même. Ce serait détruire absolument l'intelligence humaine que de vouloir l'assujettir à ne marcher que d'idées précises en idées précises, à n'apprendre des mots qu'après avoir rigoureusement analysé les idées qu'ils expriment. Elle doit commencer par des idées vagues et incomplètes pour acquérir ensuite, par l'expérience et par l'analyse, des idées toujours de plus en plus précises et complètes, sans pouvoir jamais atteindre les limites de cette précision et de cette connaissance entière des objets. Ainsi, par des mots que les enfants puissent comprendre, on doit entendre ceux qui expriment pour eux une idée à leur portée, de manière que cette idée, sans être la même que celle qu'aurait donnée un homme fait, ne renferme rien de contradictoire à celle-ci. Les enfants seraient à peu près comme ceux qui n'entendent de deux synonymes que ce qu'ils ont de commun et à qui leur différence échappe. Avec cette précaution, les élèves acquerront une véritable instruction et on ne leur donnera pas d'idées fausses, mais seulement des idées incomplètes et indéterminées parce qu'ils ne peuvent en avoir d'autres. Autrement, il serait impossible de se servir avec eux de la langue des hommes. Et comme on forme un langage particulier au premier âge et proportionné à la faiblesse de l'organe de la parole, il faudrait instituer une langue à part proportionnée à leur intelligence. On peut donc employer, dans les livres destinés aux enfants, des mots qui expriment des nuances, des degrés de sentiment qu'ils ne peuvent connaître, pourvu qu'ils aient une idée de ce sentiment en lui-même. Et dès que l'idée principale exprimée par un mot est à leur portée, il est inutile qu'ils réveillent en eux toutes les idées accessoires que le langage ordinaire y attache. Les langues ne sont pas l'ouvrage des philosophes. On n'a pas eu soin d'y exprimer, par un mot distinct, l'idée commune et simple dont un grand nombre d'autres mots expriment les modifications diverses. Jamais même, on ne peut espérer qu'elles atteignent à cette perfection, puisque les mots ne se formant qu'après les idées et par la nécessité de les exprimer, les progrès de l'esprit précèdent nécessairement ceux du langage. Il y a plus. Si l'on doit donner aux enfants une analyse exacte, quoique incomplète encore, du sens des mots qui désignent ou les objets physiques qu'on veut leur faire connaître ou les idées morales sur lesquelles on veut fixer leur attention et de ceux qui doivent servir pour ces développements, il est impossible d'analyser avec le même scrupule les mots d'un usage vulgaire qu'on est obligé d'employer pour s'entendre avec eux. Il y aura donc pour eux, comme pour nous, deux manières de comprendre les mots. L'une plus vague pour les mots communs, l'autre plus précise, pour ceux qui doivent être l'expression d'idées plus réfléchies. À mesure que l'esprit humain se perfectionne, on emploiera moins de mots de la première manière, mais jamais ils ne disparaîtront entièrement du langage. Et semblablement, il faut, dans l'éducation, chercher à en diminuer le nombre, mais n'avoir pas la prétention de pouvoir s'en passer. On ne doit pas craindre d'employer les mots techniques. J'observerai de plus que l'on doit préférer d'employer, dans les livres des enfants, ceux des mots techniques qui, soit pour les objets physiques, soit pour les autres, sont adoptés généralement. Cette langue scientifique est toujours mieux faite que la langue vulgaire. Les changements s'y font plus sensiblement et par une convention moins tacite. Ces mots expriment en général des idées plus précises, désignent des objets plus réellement distincts et répondent à des idées mieux faites et d'une analyse plus facile, puisque souvent ces mots sont même postérieurs à cette analyse. Si le goût les bannit des ouvrages purement littéraires, c'est parce que l'affectation de science blesserait ou la délicatesse ou l'orgueil des lecteurs. C'est qu'ils y répandraient plus d'obscurité qu'ils n'y mettraient de précision. Instruction de la seconde année. Dans une seconde année, le livre de lecture renfermerait des histoires morales. Mais les sentiments naturels sur lesquels on chercherait à fixer l'attention seraient déjà plus réfléchis. Ainsi, au premier mouvement de la pitié, on substituerait ceux de la bienfaisance et les douceurs qui accompagnent les soins de l'humanité, au sentiment de la reconnaissance, le plaisir d'en donner les marques, le zèle attentif de l'amitié, à ses douces émotions. À cette époque, les histoires auraient aussi pour objet de faire naître les idées morales, de manière que les enfants, avertis de faire attention à leurs sentiments, à leurs propres aperçus, puissent former eux-mêmes ces idées. Le livre destiné au maître lui indiquerait les moyens de les développer. Elle serait ensuite fixée dans l'esprit des élèves par de courtes analyses faites par le maître, et c'est alors que le nom leur en serait révélé. Réflexion sur la langue des sciences morales. On doit attribuer en grande partie l'imperfection des sciences morales à l'espèce de nécessité où l'on se trouve d'y employer des mots qui ont, dans le langage vulgaire, un sens différent de leur sens philosophique. Il est possible de séparer ces deux sens l'un de l'autre d'une manière assez absolue pour que ce qui reste de vague dans le premier ne nuise pas à la précision des idées même quand le mot doit être employé dans le second. D'ailleurs, la plupart de ces mots étaient connus de ceux qui les prononcent et ils s'en servaient, dans le sens vulgaire, longtemps avant l'époque où ils ont pu apprendre à les employer dans un autre. Et, dans les ouvrages scientifiques, au lieu de chercher à perfectionner en quelque sorte ce sens vulgaire à l'aide d'une analyse rigoureuse et de lui donner, par ce moyen, la précision qu'exige le langage philosophique, on a presque toujours employé la méthode des définitions abstraites. Dans l'instruction, on doit suivre une marche contraire et faire en sorte que ces mots, même lorsqu'ils sont employés dans l'usage commun, aient pour les élèves la rigueur et la précision du sens philosophique. Il faut que l'homme et le philosophe ne soient pas en quelque sorte deux êtres séparés, ayant une langue, des idées et même des opinions différentes. Sans cela, comment la philosophie, qui n'est que la raison rendue méthodique et précise, deviendrait-elle jamais usuelle et vulgaire? Ainsi, dans toute l'étude des sciences morales, on aura soin de substituer l'analyse aux définitions et de ne nommer une idée qu'après l'avoir fixée dans l'esprit des élèves en les obligeant à l'acquérir, à l'analyser, à la circonscrire eux-mêmes. C'est alors que la justesse qui dépend uniquement de la précision dans les idées pourra devenir vraiment générale et ne restera plus le partage exclusif des hommes qui ont cultivé leur esprit. C'est alors que la raison, devenue populaire, sera vraiment le patrimoine commun des nations entières. C'est alors que cette justesse, s'étendant sur les idées morales, on verra disparaître cette contradiction, honteuse pour l'esprit humain, d'une sagacité qui pénètre les secrets de la nature ou va chercher ses vérités cachées dans les cieux, et d'une ignorance grossière de nous-mêmes et de nos plus chers intérêts. Suite des objets qui doivent faire partie de l'instruction. On répéterait les descriptions des objets physiques qu'on aurait déjà fait connaître la première année, en y ajoutant des détails sur d'autres qualités moins frappantes de ces mêmes objets, sur leur histoire, sur leurs usages les plus généraux ou les plus utiles. On en décrirait de nouveau en choisissant toujours ce qu'il est possible de mettre sous les yeux des élèves. Et toutes ces descriptions seraient combinées de manière à former une partie de l'histoire naturelle du pays qu'ils habitent. Les règles de l'arithmétique y seraient enseignées en se bornant aux quatre règles simples, qui d'ailleurs suffiront pour tous les calculs, si l'on a la sagesse d'employer exclusivement l'échelle numérale dans toutes les espèces de division. La méthode d'enseigner les sciences doit changer d'après le but que l'on se propose en les enseignant. Nous observerons ici que la méthode d'enseigner une science doit varier suivant l'objet qu'on se propose. En effet, si l'on a pour but d'embrasser la science entière ou du moins de mettre en état de l'approfondir soi-même, alors il devient inutile de s'arrêter dès les premiers pas pour exercer longtemps les élèves sur les opérations qu'on leur enseigne. En effet, l'habitude des idées qui s'y rapportent, la promptitude dans l'exécution de ces mêmes opérations, l'impossibilité d'en oublier les principes pour n'en conserver que la routine, la facilité de les appliquer à des questions nouvelles, sont la suite naturelle et nécessaire du long temps employé à cultiver cette science. Alors, pourvu qu'on ne prenne pas une course trop rapide, pourvu que l'on n'excède pas la force de tête ou les bornes de la mémoire, il faut au contraire hâter la marche de l'instruction, aller en avant, craindre de refroidir l'ardeur naissante des élèves en les traînant trop lentement sur les mêmes vérités, en appesantissant leurs réflexions sur des idées qui n'ont pas le charme de la nouveauté. Mais si l'on enseigne une science dans la vue de l'utilité que l'on peut en retirer dans quelques circonstances de la vie, on ne saurait trop chercher, au contraire, à familiariser l'esprit des élèves avec les idées qui y sont relatives, avec les opérations qu'ils peuvent avoir besoin d'exécuter. Sans cela, ils oublieraient bientôt et les principes et la pratique elle-même. Si enfin on enseigne une science comme étant la base d'une profession, il est inutile d'arrêter les élèves sur la partie pratique de cette science parce que l'exercice de la profession à laquelle on les destine conservera, augmentera même l'habitude nécessaire à cette pratique. Mais si on ne veut pas qu'elle devienne une routine, il faudra dans l'éducation insister beaucoup sur les principes de théorie, que sans cela, ils seraient exposés à oublier bientôt. Quiconque a observé les hommes dans la société et les a comparés avec leur éducation a dû être frappé d'en voir quelques-uns ne conserver presque aucune idée, de n'avoir un souvenir vague et à peine quelques connaissances élémentaires des sciences qui avaient occupé une grande partie de leur jeunesse et dont l'étude, portée même assez loin, leur avait mérité les succès brillants qu'on peut avoir à cet âge. Tandis que d'autres, livrés à des professions essentiellement fondées sur certaines sciences, en ont oublié les principes, sont devenus incapables d'en suivre les progrès, quoiqu'ils aient retenu les conséquences pratiques de ces principes et que ces progrès fussent utiles, peut-être même nécessaires, au succès de leur profession. Cependant, ces mêmes sciences avaient été la base de leur instruction, avaient consumé, dans une étude pénible, une grande portion de leur existence. Or, ici, l'objet de l'éducation est de donner aux élèves les connaissances dont ils pourront avoir besoin dans la vie commune. Il est donc nécessaire, en apprenant l'arithmétique aux enfants, d'insister beaucoup sur les raisons de toutes les opérations qu'elle exige et de leur faire multiplier ces opérations afin de les rendre habituelles, surtout comme il est important que cette facilité ne se sépare jamais de l'intelligence des principes. Il faut leur en faire acquérir l'habitude en les exerçant sur des nombres assez petits, parce que sans cela, leur attention ne pourrait suffire pour suivre l'opération et pour observer en même temps les principes dont elle n'est que l'application. On terminerait enfin l'instruction de cette seconde année par l'exposition des premières notions de la géométrie.